la vie et se son l'homme de gloire. Que ça fait du fond de ma mémoire un âme valide, un âme qui m'obsède.